إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au chapitre 62 du livre de l'unicité que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Chapitre au sujet du fait de souvent jurer. On a vu dans des chapitres précédents que l'obligation pour le musulman, lorsqu'il jure, lorsqu'il fait un serment, c'est de ne jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que jurer par autre qu'Allah relève du polythéisme. On a vu également que l'obligation pour le musulman lorsqu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ne dire que la vérité. Et également, il incombe au musulman de ne pas jurer excessivement. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce chapitre dans ce livre, car le fait de jurer fréquemment, ceci indique un manquement et une certaine faiblesse quant à la concrétisation du tawhid. Et le fait de donner de la considération au serment que tu fais par Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie de la perfection du tawhid. Le Cheikh rahimahullah ta'ala va donc nous mentionner dans ce chapitre un verset et quelques hadiths dans lesquels nous allons voir la menace qui pèse sur celui qui jure fréquemment. Jurer en toute occasion, ou pour une chose qui ne nécessite pas de jurer, ceci ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. Au contraire, le fait de souvent jurer, si cela est fait pour tromper les gens, alors ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. C'est au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » Ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Et il nous a aussi mentionné subhanahu wa ta'ala parmi leurs caractéristiques au verset 107 de surat At-Tawbah وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى Ils jurent en disant « Nous ne voulons que le bien ». وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Allah atteste qu'ils sont vraiment des menteurs. Donc les hypocrites, ils jurent pour tromper les gens, afin de leur faire croire autre que la vérité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet « اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً Ils ont pris leur serment en tant que bouclier, en tant que protection. C'est-à-dire que leurs serments leur permettent de cacher la vérité, afin de tromper les gens, et de leur cacher la réalité de leur situation. Donc si ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites, il va de soi que le croyant qui souhaite perfectionner sa foi et la concrétiser, il se doit de s'éloigner du fait de jurer fréquemment. Et plus la foi est faible dans le cœur du serviteur, plus il va négliger ses serments. Il ne va pas donner d'importance à cette parole lorsqu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, en raison de son manque de foi. Ceci s'oppose donc à la perfection du tawhid, et c'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans ce livre. Donc comme on a dit, il nous a mentionné un verset et quelques hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au verset, c'est une partie du verset 89 de Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ » et « Préservez vos serments ». Et on va voir ce que cela signifie. Donc ce verset, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré l'expiation du serment non tenu. Il dit subhanahu wa ta'ala « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ » Allah ne vous sanctionne pas pour vos serments prononcés sans intention. C'est-à-dire que si une personne jure sans avoir l'intention de jurer, elle dit une parole et fait précéder cette parole de Wallah, mais sans avoir l'intention de jurer, ne fait pas exprès. Dans ce cas-là, il ne lui incombe aucune expiation. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ Mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. C'est-à-dire le serment que tu prononces volontairement, avec l'intention de jurer, et avec l'intention de faire cette chose que tu es en train de jurer. Donc si tu ne la fais pas, que tu ne tiens pas ce serment, il t'incombera alors une expiation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres. Pour expier ce serment, tu devras nourrir 10 pauvres. Et de quoi dois-tu les nourrir? Il nous dit subhanahu wa ta'ala, مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. De ce dont vous nourrissez normalement vos familles. Les gens de science ont dit, c'est-à-dire la nourriture commune des gens du pays. Comme par exemple, en ce qui nous concerne, le riz ou les pâtes. On devra nourrir donc 10 pauvres. Et les gens de science ont dit, en donnant l'équivalent d'un demi-sa'a pour chaque pauvre. Et le sa'a, on a vu que c'est une mesure qui équivaut approximativement, selon les aliments, à 3 kilos. Donc, afin d'expier le serment, tu devras nourrir 10 pauvres en donnant à chacun d'entre eux 1,5 kilo de riz ou de pâtes. Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, au kiswatuhum, ou alors de les habiller, c'est-à-dire de vêtir 10 pauvres. Tu as donc le choix entre le fait de les nourrir ou le fait de les vêtir. Et pour les vêtir, il est nécessaire de leur donner une tenue suffisante leur permettant de prier. Ensuite il dit, subhanahu wa ta'ala, au tahriru raqaba, ou de libérer un esclave. Donc on voit que celui qui fait un serment et ne le tient pas. Pour expier ce serment non tenu, il a tout d'abord le choix entre 3 choses. Nourrir 10 pauvres, vêtir 10 pauvres, ou libérer un esclave. Et il ne lui est pas permis de passer au jeûne alors qu'il a les capacités de faire une de ces 3 choses. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. Quiconque n'en trouve pas les moyens, celui qui n'a pas les moyens de nourrir 10 pauvres, ni de vêtir 10 pauvres, ni d'affranchir un esclave, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Fasiyamu thalathati ayyam. Il devra jeûner 3 jours. Donc le jeûne des 3 jours, il n'est légiféré que pour celui qui ne peut pas faire une des 3 choses que l'on a précédemment citées. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Wahfadhu aymanakum. Et préservez vos serments. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une expiation pour les serments qui ne sont pas tenus. Ceci nous montre donc l'importance du serment, que ceci ne doit pas être une chose prise à la légère. Lorsque tu jures par Allah subhanahu wa ta'ala, cela a une importance, cela a une valeur. Et ce serment, tu te dois de le tenir. Et si tu ne le tiens pas, alors tu te dois de t'acquitter de cette expiation qui est mentionnée dans ce verset. Ceci nous prouve donc l'importance du serment. Car l'expiation, elle n'est légiférée que suite à un péché. Donc celui qui ne tient pas son serment, il a commis un péché. Il doit donc l'expier de la manière mentionnée dans ce verset. Et s'il fait cela, alors son péché est expié bi'idhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, après avoir mentionné cette expiation, wahfadhu aymanakum, et préservez vos serments. Qu'est-ce que cela signifie préserver vos serments? Les savants du tafsir ont mentionné différentes explications à ce sujet. La première est qu'ils ont dit, et préservez vos serments, cela signifie, et ne faites pas de serments. Préservez-les, c'est-à-dire ne les prononcez pas. Ce verset, selon cette explication, est donc une interdiction de jurer. Et ceci nous indique que le musulman ne doit jurer qu'en cas de besoin. Tu ne dois pas jurer à tout va. Commencer chaque phrase par Wallah, Wallah, Wallah, et ainsi de suite, comme le font certaines personnes. Mais tu ne jures que lorsque cela est nécessaire. Et si tu jures, alors tu te dois d'être véridique et de ne jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu dans un précédent cours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par Allah, qu'il soit véridique. Et il dit dans l'autre hadith, celui qui jure par autre qu'Allah, il a certes commis de la mécréance ou du polythéisme. Donc préservez vos serments, cela veut dire ne jurez pas, si ce n'est en cas de besoin. Comme par exemple, si une personne se retrouve dans un tribunal islamique, accusée d'une chose dont elle est innocente, et que l'accusateur ne fournit aucune preuve de son accusation, alors le juge lui demandera de jurer de son innocence. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala, à condition, bien sûr, qu'il soit véridique dans son serment. Également, si une personne se trouve dans une position ambiguë, ou que certains individus ont des doutes à son sujet. Alors, il n'y a pas de gêne à ce qu'il jure qu'il n'était pas en train de faire ce qu'il pensait, par exemple. Ou alors qu'il n'a jamais fait cela, qu'il n'a jamais fait cette transgression, et ainsi de suite. Et ce, afin de laver son honneur. Toujours à condition, bien sûr, qu'il soit véridique dans son serment. En dehors de cela, s'il n'y a pas de besoin, alors il n'est pas nécessaire pour toi de jurer. Et préservez vos serments. La deuxième explication qu'ont donnée les gens de science au sujet de ce verset, c'est que préserver vos serments, cela signifie préserver vos serments en les expiant si vous ne les tenez pas. Donc l'expiation du serment non tenu, elle fait partie de la préservation du serment, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala expie ta faute de ne pas avoir tenu ce serment. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un premier hadith et il a dit: Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit: J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Le serment permet d'écouler la marchandise et d'en détruire les gains. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Le serment permet d'écouler la marchandise. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, les vendeurs, lorsqu'ils proposent leur marchandise et qu'ils jurent que cette marchandise est de bonne qualité, ou alors qu'ils jurent que ce produit est frais, ou qu'ils jurent ceci et cela, alors les gens pensent qu'il est véridique et lui achètent cette marchandise. Donc son serment est une cause lui permettant d'écouler sa marchandise. Car les musulmans ont bonne opinion les uns des autres. Et ils savent que si quelqu'un jure par Allah subhanahu wa ta'ala, ceci n'est pas une chose insignifiante. Donc, ils croient ce vendeur. Ils ont confiance en lui. Ils lui achètent sa marchandise car ils se disent que s'il n'était pas véridique, il n'aurait pas juré. Donc son serment, il lui permet quoi? Il lui permet de vendre sa marchandise. Mais médite sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite. Le serment permet d'écouler la marchandise et d'en détruire les gains. C'est-à-dire que les gains qu'il aura obtenus de ces ventes qu'il a fait en jurant, ils seront privés de toute bénédiction. Ou bien il perdra complètement ses gains, il perdra cet argent. Ou alors, il sera toujours en sa possession, mais ce sera de l'argent privé de baraka, privé de bénédiction. C'est-à-dire, ce ne sera pas de l'argent utile pour son propriétaire. Donc ceci concerne le commerçant qui vend sa marchandise en jurant alors qu'il ment. Il sera privé de toute bénédiction dans ses gains. Et en plus de cela, il encourt un châtiment sévère dans l'au-delà de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir dans le hadith suivant. Il a donc mentionné un deuxième hadith et il a dit: D'après Salman, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas et qu'il ne purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Trois personnes. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur parlera pas au jour de la résurrection. Car Allah subhanahu wa ta'ala va honorer ses serviteurs croyants en leur parlant au jour de la résurrection. Comme il est venu dans le hadith authentique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala parlera à chacun d'entre vous sans qu'il n'y ait entre vous d'interprète. Donc ceci est un honneur qu'auront les croyants au jour de la résurrection. Mais ces trois personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous mentionner dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala les privera de ce bienfait immense. Il ne leur parlera pas. Et il ne les purifiera pas. Et ils auront un châtiment douloureux. On voit donc ici que ce sont trois menaces sévères à l'encontre de ces trois personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous mentionner. Le premier, il dit, un vieillard fornicateur, c'est-à-dire un vieillard aux cheveux blancs qui commet le grave péché de la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ce péché dans son noble livre. Et il a même interdit les causes menant à ce péché. Car il a dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire, ne forniquez pas et ne l'approchez pas, ne faites pas les causes menant à ce grave péché. Car c'est vraiment une turpitude et un mauvais chemin. Donc la fornication, elle fait partie des grands péchés qui anéantissent les mœurs, qui anéantissent les sociétés, qui anéantissent les lignées. Et ainsi de suite, parmi les méfaits de ce grave péché, comme on peut le constater dans les pays où il est répandu. Donc ce péché est d'une grande gravité. Mais il peut être encore plus grave selon la personne qui va le commettre. Et en l'occurrence ici, le fait qu'un vieillard aux cheveux blancs commette ce péché, ceci est un acte très vil, car le vieillard, étant donné son âge avancé, l'obligation pour lui est de se préserver de ce genre de péché. D'autant plus qu'à cet âge-là, il a moins de désirs et de pulsions qu'un jeune homme. Donc, il est censé être moins tenté par ce péché. De plus, lorsque la personne atteint un certain âge, elle se rapproche de la mort. Donc, son obligation est de se préparer à l'au-delà, en se repentant de ses péchés, en multipliant les œuvres de bien, en multipliant les bonnes actions, espérant de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le pardon de ses péchés et l'acceptation de ses bonnes œuvres. Donc s'il commet ce grave péché à cet âge-là, ceci nous montre la laideur de son comportement et ses mauvaises mœurs, son mauvais caractère, et que ce péché fait partie de son caractère, wal'iyadu billah. Et c'est pour cette raison qu'il est sous ces trois menaces mentionnées dans le hadith. Allah ne lui parlera pas, ne le purifiera pas, et il aura un châtiment douloureux. La deuxième personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit un pauvre orgueilleux. L'homme, de manière générale, il se doit de faire preuve d'humilité. D'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais également d'humilité envers les créatures d'Allah. Et l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. L'orgueil, il peut pousser à de nombreux péchés, il peut même pousser à la mécréance et au délaissement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 60 de Surat Ghafir. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer. Par orgueil, ils refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils entreront bientôt dans l'enfer humilié. Et l'orgueil, c'est également la cause de l'avilissement de Iblis et de sa mécréance. Il a mécru en raison de son orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son sujet « Aba wa stakbar wa kana min al kafirin » Il refusa, c'est-à-dire il refusa de se prosterner devant Adam. Il s'enorgueillit et fut du nombre des mécréants. Il était jaloux de Adam alayhi salam. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés à l'exception de Iblis. Pourquoi? En raison de son orgueil. Il pensait être mieux que Adam et a donc refusé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et il ne s'est pas prosterné. On voit donc que l'orgueil, ce n'est pas une chose anodine. Elle peut avoir des conséquences très graves. Et également, cet orgueil, il peut être présent entre les gens. Il y a certaines personnes qui s'enorgueillissent en se pensant supérieurs aux autres et ils méprisent les gens et les rabaissent. Cela ne savent rien, cela ne comprennent rien, cela ci, cela ça. Et ils pensent que lui, il est au-dessus d'eux, à un rang supérieur. Alors ils les méprisent. Et ceci également fait partie des grands péchés. Et ce qui est attendu de toi, c'est que tu fasses preuve d'humilité. D'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'humilité envers les gens. Et tu ne dois pas les mépriser. Donc de manière générale, l'orgueil, c'est un grand péché. Mais il est d'autant plus grave lorsque celui-ci provient d'un pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous dit le pauvre orgueilleux. Pourquoi le péché est le plus grave commis de sa part? Car il n'a aucune raison de s'enorgueillir. Il se peut qu'une personne riche, elle soit trompée par ses richesses. Elle est leurrée par celle-ci. Alors, en raison de l'argent qu'elle possède et de ses grandes richesses, elle va s'enorgueillir et se sentir supérieure aux gens qui eux ne sont pas riches. Mais le pauvre, qui ne possède rien, pour quelle raison s'enorgueillit-il? Ceci prouve que ceci est un comportement qui est ancré en lui, car il s'enorgueillit sans raison. Et c'est pour cela que son orgueil est plus grave que l'orgueil d'une personne riche. Et pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui parlera pas au jour de la résurrection, ne le purifiera pas, et il aura un châtiment douloureux et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, la troisième personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, l'a mentionné dans ce chapitre. Il a dit, « Et un homme qui fait du serment par Allah sa marchandise, il l'achète qu'en jurant et ne vend qu'en jurant. » Il a fait du serment par Allah sa marchandise. C'est-à-dire, c'est ce qui lui permet d'écouler sa marchandise ou alors d'acheter de la marchandise. Lorsqu'il veut vendre, il jure. Lorsqu'il veut acheter, il jure. Et ainsi de suite. Il jure donc très souvent. Et ce car, il ne donne aucune considération au serment par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est négligent vis-à-vis de cela. Donc sa rétribution, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui parlera pas au jour de la résurrection, ne le purifiera pas, et il aura un châtiment douloureux. On voit donc que l'obligation pour le musulman, c'est de faire preuve d'honnêteté et de véracité envers ses frères, et d'être véridique dans ses transactions. Lorsque tu vends, lorsque tu achètes, tu dois faire preuve de véracité. Si ta marchandise a des défauts, tu en informes les éventuels acheteurs, et tu ne mens pas sur la qualité de ta marchandise. Tu ne trompes pas les gens. Mais tu dis la vérité au sujet de ce que tu vends. Et tu te dois de ne pas te servir du serment par Allah subhanahu wa ta'ala pour écouler ta marchandise. Mais tu dois t'éloigner de cela. Et te rappeler qu'il n'y a en cela aucun profit pour toi dans l'au-delà. Même si en apparence, le vendeur, lorsqu'il jure, sa marchandise s'écoule rapidement, en réalité, il n'en tire aucun profit. Dans l'au-delà, on a vu sous quelle menace il est. Il est sous une menace sévère. Et ici-bas, son argent sera privé de toute bénédiction. Donc, tu dois te rappeler que tu n'obtiendras des biens de ce bas monde que ce qui t'a été écrit. Et qu'aussi nombreuses soient les richesses que tu amasses dans ce bas monde, elles ne te permettront pas de te passer de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Aussi riche sois-tu, cet argent, il ne te préservera pas du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc important pour toi ici-bas d'œuvrer pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela, de ne rechercher ta subsistance que de manière licite. Même si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, il vaut mieux avoir un petit salaire avec beaucoup de bénédictions plutôt qu'un grand salaire obtenu de manière illicite et privé de toute bénédiction et qui de plus est te fera encourir un châtiment dans l'au-delà wa al-'iyadu billah. On tire donc de ce verset et de ces deux hadiths différents bénéfices. Premièrement, on voit à travers cela l'obligation de donner une grande considération au serment que tu fais par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la perfection du tawhid. Plus la personne donnera de considération à cela, plus elle parfait ainsi son tawhid. Et plus la personne est négligente et jure fréquemment, sans ne donner aucune considération au serment qu'elle fait par Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci indique la faiblesse de sa foi et la faiblesse de son tawhid. Le deuxième bénéfice, c'est l'interdiction de jurer souvent. Car celui qui jure souvent, alors il tombera souvent dans le mensonge. Et le fait de jurer souvent, cela indique un manque de considération à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, comme on a dit, est une faiblesse dans le tawhid. Le troisième bénéfice est qu'il y a dans ce hadith la preuve que la véracité et le fait de donner de la considération au serment, ce sont des causes pour obtenir la bénédiction dans tes biens. Le fait de ne pas jurer pour vendre ou pour acheter, et d'être véridique lorsque tu vends ou lorsque tu achètes, ceci te permet qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les biens que tu gagnes. Quant au mensonge et à la négligence dans le serment, alors ceci sont des causes pour être privé de toute bénédiction. Enfin, le quatrième bénéfice est qu'il y a dans ce hadith la preuve de la menace sévère qui pèse sur celui qui jure fréquemment. Et que ceci fait partie des grands péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a menacé de cette menace sévère de ne pas lui parler, de ne pas le purifier et de lui donner un châtiment douloureux au jour de la résurrection. Ceci nous indique que le fait de jurer souvent fait partie des grands péchés. Tu ne dois donc pas penser que ceci est une chose anodine sans gravité. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième hadith et il a dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique de l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, et ce hadith est rapporté selon le sens également dans l'authentique de Bukhari. D'après Imran ibn Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les meilleurs de ma communauté sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe dans ce hadith que les meilleurs de sa communauté, ce sont les musulmans de sa génération, c'est-à-dire les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et ceci est reconnu à l'unanimité de la communauté. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ce sont les meilleurs de cette communauté Et ce, car ils se sont distingués par de nombreuses choses que l'on ne retrouve pas chez les autres musulmans. Et les gens de science ont même dit que la génération du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des gens de toutes les communautés de manière absolue, c'est-à-dire après les prophètes alayhi salatu wa sallam. La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des communautés. Et les meilleurs de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux de la première génération, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. En effet, ce sont eux qui ont tenu compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu et qui ont cru en lui. Également, ils ont combattu à ses côtés, ils l'ont soutenu et ils l'ont défendu par leur personne et par leurs biens. Et certains d'entre eux ont émigré avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi leurs mérites, il y a le fait qu'ils ont reçu cette religion de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris le Coran auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris la sunna auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc appris la religion de l'islam directement auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, ils ont propagé et transmis cette religion avec sincérité, honnêteté et loyauté. Également, on compte parmi leurs mérites le fait qu'ils ont propagé cette religion d'est en ouest et qu'ils ont accompli de nombreuses conquêtes, radiyallahu ta'ala anhum. C'est pour cela que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, les aimer fait partie des signes de la foi, et les détester fait partie des signes de la mécréance et de l'hypocrisie. Et leurs mérites sont venus dans de nombreux versets dans le Coran et dans de nombreux hadiths de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Imran ibn Hussein, il nous informe que la meilleure génération, c'est la génération du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc ceux qui les suivent, ce sont les tabi'in, ceux qui ont appris la religion auprès des compagnons. Et ceux qui les suivent, ce sont les suiveurs des tabi'in, ceux qui ont pris d'eux la religion. Puis Imran, il nous dit, « Et je ne sais pas s'il a mentionné après sa génération deux ou trois générations. » Il a eu un doute à ce sujet, comme on l'a vu dans des hadiths précédents. Ceci fait partie des habitudes des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils étaient très précis et très rigoureux dans la transmission des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils avaient un doute, ils le mentionnaient. Ils n'avaient pas de gêne en cela. Comme ici, il dit, « Je ne sais pas s'il a mentionné deux ou trois générations. » Ensuite, il dit, « Et viendront après eux des gens qui témoignent sans qu'on leur demande, qui trahissent et ne sont pas de confiance, qui font des vœux et ne les tiennent pas, et apparaîtra chez eux l'obésité. » Donc après ces trois générations, qui sont les meilleures générations de la communauté, apparaîtront des gens qui témoignent sans qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'ils s'empressent de témoigner. Donc ceci indique la faiblesse de leur religion et la faiblesse de leur honnêteté. Car celui qui témoigne, il est obligatoire qu'il soit honnête dans son témoignage. Et il ne doit témoigner que de la vérité. Et également, il ne doit pas s'empresser de témoigner. Mais il témoigne si on lui demande. Donc s'il s'empresse de témoigner avant qu'on lui demande, ceci est une preuve qu'il prend le témoignage à la légère. Et ceci est une preuve de la faiblesse du tawhid. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Car le témoignage est une forme de serment. La preuve à ce sujet et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aux deux premiers versets de Surat al-Munafiqun. Lorsqu'il a dit « Ida ja'aka al-Munafiquna qalu, nashhadu innaka la Rasulullah » Lorsque les hypocrites viennent à toi et disent « Nous attestons, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasulu, wallahu yashhadu inna al-Munafiqina la kadhibun » Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste, Allah témoigne que les hypocrites sont vraiment des menteurs. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au sujet des hypocrites qu'ils témoignent. Puis il dit, dans le verset suivant, « Ittakhadhu aymanahum junna » Ils ont pris leur serment pour bouclier. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé dans ce verset le témoignage comme étant un serment. Donc ceci nous prouve que ceux qui s'empressent de témoigner sans qu'on leur demande, ils sont comme ceux qui font des serments fréquemment. Et le fait qu'ils prennent le témoignage, le serment à la légère, cela indique la faiblesse de leur foi et la faiblesse de leur tawhid. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ils trahiront le dépôt et ne seront pas de confiance. Le fait de trahir le dépôt, une chose que te confie. Ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites également. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, lorsqu'on lui confie une chose, il la trahit. Donc la trahison du dépôt fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et le dépôt a un sens général. Ce n'est pas seulement lorsque tu confies de l'argent. Car certaines personnes, ils n'ont pas de mal si on leur confie de l'argent ou si on leur confie un bien à le préserver, à prendre garde, à ne pas le perdre, à ce qu'il ne soit pas abîmé. Par contre, lorsqu'on leur confie un secret, lorsqu'on leur confie une parole, et qu'on leur dit de ne pas en parler, que son frère vient à lui et lui dit, je te dis une chose, mais tu n'en parles à personne. Cela reste entre toi et moi. Alors c'est ici qu'apparaît celui qui concrétise réellement le respect du dépôt. Est-ce qu'il est de confiance ou non? Malheureusement, aujourd'hui, lorsque l'on confie un secret à quelqu'un, il brûle d'envie d'aller en parler à d'autres personnes. À la simple écoute de « je vais te dire une chose et tu n'en parles à personne », il pense déjà à qui il va en informer, wal'iyadu billah. Et ceci est une forme de trahison du dépôt. Et c'est un des signes parmi les signes de l'hypocrisie. Tu dois donc prendre garde à cela. Le secret, c'est un dépôt. Lorsque ton frère te confie un dépôt, lorsque ta sœur te confie un dépôt, tu te dois de ne pas le trahir. Tu ne dois donc pas parler de leurs secrets. Et également, tu dois préserver les biens qu'ils te confient ou les objets qu'ils te prêtent, et ainsi de suite. Car le dépôt, il a une valeur immense en islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe dans ce hadith qu'il y a des gens après les meilleures générations qui vont venir et qui vont trahir le dépôt, qui ne vont pas être de confiance, wallah musta'an. Ensuite, il a dit, ils feront des vœux et ne les tiendront pas. On a vu dans un chapitre précédent que le vœu consiste à s'imposer d'accomplir un acte d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas obligatoire à la base dans la législation, comme le fait que le serviteur s'impose de jeûner les lundis et les jeudis, ou le fait que le serviteur s'impose de prier une nuit particulière. Il fait le vœu à Allah de jeûner tous les lundis et les jeudis. À partir du moment où il a fait cela, ceci devient pour lui obligatoire. Il est donc obligatoire pour lui de respecter ce vœu et de le tenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse. Il est donc obligatoire pour le musulman qui fait le vœu pour Allah de donner une aumône ou de faire une prière ou de jeûner ou de faire un pèlerinage ou une umra ou toute autre adoration. À partir du moment où il a fait le vœu pour Allah de l'accomplir, même si celle-ci à la base n'est pas obligatoire, il se doit de l'accomplir. Et s'il ne l'accomplit pas, alors il est dans le péché pour le délaissement de cette obligation. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une autre caractéristique de ces personnes qui viendront après les trois premières générations et il a dit, et apparaîtra chez eux l'obésité, c'est-à-dire qu'ils seront corpulents. En raison du fait qu'ils ne se préoccupent que des délices de ce bas monde et de l'assouvissement de leurs désirs et de leurs passions, au point d'en oublier l'au-delà, et d'en oublier le fait qu'ils auront des comptes à rendre de leurs œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils jouissent des délices de ce bas monde, de ses plaisirs, au point de se détourner de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, au point de devenir comme des animaux, qui n'ont pour objectif que de manger. Cela lui suffit à l'animal, manger et boire. Mais l'homme, il a été chargé d'une tâche plus noble que cela, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela que tu as été créé. Donc si la personne se laisse aller dans les délices de ce bas monde au point d'en négliger les œuvres de l'au-delà, dans cette situation, elle est blâmable. Mais si la personne prend du poids pour une autre raison, pour des raisons de santé ou car ceci est une épreuve par laquelle elle est touchée, tout en se soumettant, comme il se doit, aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses obligations, en délaissant les interdits et les péchés, et en œuvrant dans le bien pour préparer ses provisions pour l'au-delà. Alors dans ce cas-là, la personne n'est pas blâmable, incha'Allah ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné un autre hadith et il a dit, Et on y trouve aussi, c'est-à-dire dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, puis viendront après eux des gens dont le témoignage précédera le serment, et le serment précédera le témoignage. Donc dans ce hadith, on a l'affirmation de ce sur quoi Imran radiyallahu ta'ala anhu a douté dans le hadith précédent. Il ne savait pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné deux ou trois générations après la sienne. Donc dans le hadith d'Ibn Mas'ud, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a mentionné que deux générations. Et c'est pour cela que l'on dit les trois générations privilégiées, qui sont les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, puis les tabi'in, puis les suiveurs des tabi'in. Après eux, après ces trois générations, viendront des gens dont le témoignage précédera le serment et le serment précédera le témoignage. C'est-à-dire qu'ils prendront le témoignage et le serment avec légèreté. Ils ne donneront aucune importance. Mais ils s'empresseront de témoigner, ils s'empresseront de jurer, sans prendre en considération l'importance du serment par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils jureront et témoigneront fréquemment. Donc, ceci est un blâme du fait de jurer et de témoigner fréquemment. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Enfin, il a mentionné une parole de Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, qui est un tabi'i, un de ceux de la deuxième génération qui ont pris la religion auprès des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et il fait notamment partie des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhum, et il a dit: on nous frappait pour le témoignage et les engagements alors que nous étions petits. C'est-à-dire que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, parmi les compagnons et ceux qui sont venus après eux, ils avaient pour habitude de corriger les enfants s'ils les entendaient témoigner ou jurer, et ce en guise d'éducation, afin de leur faire prendre conscience que le témoignage et le serment ne sont pas des choses à prendre à la légère. Et l'enfant, il se doit d'apprendre cela dès son plus jeune âge. Car c'est dès son plus jeune âge qu'il va adopter les nobles caractères. Certaines personnes, lorsque l'enfant est petit, ils le laissent faire et dire ce qu'il veut. Ils disent: il verra quand il sera grand. Il est encore petit, il a le temps. Mais c'est dès tout petit que tu dois lui apprendre les bonnes manières. Quand il sera grand, ses mauvais comportements seront ancrés en lui, wal'iyadu billah. Et même s'il le veut, il aura du mal à s'en détacher. Donc c'est tout petit que tu dois lui faire prendre l'habitude des bonnes manières et donner de l'importance à son éducation, comme le faisaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ils donnaient à leurs enfants une éducation islamique dès leur plus jeune âge, non pas comme le font nombre de gens aujourd'hui, qui abandonnent leurs enfants dans les rues, les laissent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, fréquenter qui ils veulent, nuire à qui ils veulent, délaisser les adorations qu'ils veulent, s'habiller comme ils veulent, et ainsi de suite, parmi les méfaits que l'on observe à notre époque, wallah musta'an. Les parents ne se soucient plus de savoir si leurs enfants prient ou non, ou de savoir si leurs enfants commettent des péchés ou non, ou de savoir qui fréquente leurs enfants, est-ce qu'ils fréquentent des gens de bien ou est-ce qu'ils fréquentent des gens de mal. Ils ont donc trahi ce dépôt qui leur a été confié, qui est un dépôt immense, et tu te dois d'en prendre soin. Et entre dans cela le fait de donner une bonne éducation à tes enfants, en leur inculquant les valeurs islamiques dès leur plus jeune âge. Certaines personnes sont plus négligentes envers leurs enfants qu'ils ne le seraient envers du bétail. En effet, si une personne possédait du bétail, qu'il possédait des moutons par exemple, il en prendrait soin, il fera attention à ce qu'il mange, il fera attention à ce qu'il ne se sauve pas, il ne le laisserait pas sortir seul, il l'accompagnerait, afin de le préserver des nuisances du loup, des chiens sauvages et autres. Mais son enfant, il le laisse, il l'abandonne seul dans la rue. Ne se soucie pas de ce qu'il mange, de ce qu'il fait, de quoi il se vêtit, des gens qu'il fréquente, et ainsi de suite. Et ceci est une cause d'un grand mal dans la communauté, wallah musta'an. Ces enfants, ce sont la génération de demain. Et c'est pour cela que les ennemis de l'islam, conscients de cela, donnent de l'importance et font de grands efforts pour égarer les enfants dès leur plus jeune âge. Donc, si tu es conscient de cela, tu dois prendre les devants et préserver tes enfants de tous ces maux, et faire des efforts pour te trouver dans un endroit où tu pourras les préserver de cela et leur donner une éducation islamique, leur inculquer les valeurs et les bons comportements de l'islam. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.